L'histoire est à peine croyable. Pour vivifier et renouveler le cinéma de son pays, le dictateur nord-coréen Kim Jong-il a tout simplement fait enlever deux stars sud-coréennes afin de les obliger à travailler pour lui. Prisonniers, ces deux artistes n'ont pas eu d'autre choix que d'exercer leur art au service de la Corée du Nord. Et il leur faudra attendre de longues années avant de pouvoir échapper à leur geôlier et de retrouver leur patrie. Mais si cette affaire semble proprement insensée, il faut la replacer dans un cadre plus large. À plusieurs reprises, la dictature nord-coréenne a procédé au kidnapping de nombreux citoyens du Sud ou de Japonais, afin, par exemple, d'en faire des espions. Une pratique que les Nord-Coréens ont longtemps nié avant finalement de devoir reconnaître du bout des lèvres leur culpabilité, au moins en ce qui concerne les enlèvements de Japonais. Monsieur X a eu entre les mains un ouvrage étonnant qui retrace l'invraisemblable épopée de ce couple mythique de cinéastes sud-coréens internationalement connus. Plaisamment intitulé Une super production de Kim Jong-il, ce livre de l'Américain Paul Fisher propose un récit détaillé et précis de la tragique mésaventure de Choi Eun-hee et Shin Sang-ok. Monsieur X s'en est inspiré. Mais, dit-il d'emblée, si l'enlèvement de ces deux stars est particulièrement emblématique, il s'agit aussi d'une affaire qui ne doit pas masquer une réalité encore plus monstrueuse. W 온 지리 옆에서 avec X. C'était il y a quelques semaines, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a condamné à une large majorité la politique d'enlèvement pratiquée par la dictature nord-coréenne depuis la fin de la guerre de Corée en 1953. Une guerre qui s'est terminée par la reconnaissance internationale de la partition de la Corée. Oui, mais sans qu'il soit mis fin à l'état de guerre entre les deux Corées. Et depuis, vous le savez, on ne compte plus les incidents, parfois très meurtriers, entre ses frères ennemis. Ce qu'on sait moins, c'est que la Corée du Nord a procédé dès la fin de la guerre à une pratique généralisée des enlèvements. Il y en aurait eu plus de 200 000. C'est-à-dire des citoyens sud-coréens kidnappés par les autorités du Nord. Généralement, oui. Mais à partir des années 70, ces kidnappings ne concernent plus simplement des habitants du Sud. Entre 100 et 200 personnes appartenant à 12 nationalités différentes auraient été raptées. Parmi elles, le nombre de Japonais. Mais on compte aussi des Françaises. Mais dans ce pays fermé et encore mystérieux, il est bien sûr difficile de disposer d'un bilan précis. Je crois me souvenir que Pyongyang a reconnu la responsabilité de certains de ces enlèvements. Le kidnapping d'une petite vingtaine de Japonais qui avaient soudain disparu. Et dont on était sans nouvelles depuis des années. Oui, mais en 2002, à l'occasion de la visite historique du Premier ministre japonais en Corée du Nord, le numéro 1 nord-coréen Kim Jong-il avoue publiquement qu'il a fait enlever des Japonais. Et pourquoi alors cet aveu tardif ? Le Premier ministre japonais n'est pas arrivé les mains vides. Il promet à Pyongyang le versement d'une somme considérable, des milliards de dollars, destinés à compenser les terribles dommages humains et matériels causés à la Corée pendant la longue occupation nippone. Ouais. Et Kim Jong-il, alors ébloui par ce cadeau, a voulu à son tour faire plaisir à son hôte. Eh oui, et c'était la première fois qu'un officiel nord-coréen accordait foi à ce qui, jusque-là, n'était que rumeur. Mais attendez, question essentielle, quelle était la finalité de ces enlèvements ? Eh bien, d'après ce que l'on a pu apprendre, les Nord-Coréens attendaient de ces otages une collaboration avec leurs services secrets. Et pourquoi ? Pour en faire des espions ? Éventuellement, oui, après leur avoir fait subir un sévère lavage de cerveau. Mais dans la plupart des cas, il a été demandé à ces victimes d'enlèvement de devenir des professeurs pour leurs agents. Professeurs en langues étrangères en particulier, ou apprentissage des us et coutumes des pays d'origine de ces kidnappés. Les services secrets auraient peut-être pu obtenir le même résultat avec des méthodes moins coercitives, non ? Certes, mais en Corée du Nord, ce pays, aux dirigeants autant sectaires que paranoïaques, rien n'est tout à fait comme ailleurs. Alors, venons-en à l'histoire assez extraordinaire de Choi Eun-hee et Shin Sang-ok. Et d'abord, qui sont-ils ? Ou plutôt, qui étaient-ils ? Car Shin est mort et Choi, la star du cinéma sud-coréen, est aujourd'hui une très vieille dame, quasi impotente. Alors, commençons par celle-ci. Choi Eun-hee est une sudiste. Elle est née en 1926 et très vite, elle décide de devenir comédienne, ce qui ne va pas de soi. Mais pourquoi ? Dans la société coréenne encore très traditionnelle, une actrice n'est guère mieux considérée qu'une prostituée. Par conséquent, ses parents s'opposent résolument à sa vocation. Mais la jeune fille passe outre. Oui, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle rencontre une célèbre actrice qui la prend sous son aile. Et dès 1947, elle n'a alors que 21 ans, elle joue dans un film. Et en même temps, elle épouse un caméraman invalide de guerre. Un choix malheureux. Cet homme est non seulement jaloux, mais il va se montrer extrêmement violent. Il la bat ? En effet. Ouais. Et sa carrière alors ? Choi est rapidement connue, mais c'est bientôt la guerre. Elle s'emploie au théâtre aux armées. Et détail curieux, elle joue pour les deux camps. D'abord réquisitionnée par les nordistes, elle finit par s'enfuir et rejoint les sudistes. Mais c'est un choix idéologique ? Je ne sais pas. Mais elle ne va pas tarder à le regretter, car autant l'armée communiste du Nord est disciplinée et même fanatisée, autant celle du Sud brille par son inorganisation et son laisser-aller. C'est si vrai qu'un jour, la très jolie comédienne est violée par des officiers alcoolisés. Mais bien sûr, et c'est encore l'une des conséquences de l'archaïsme et du machisme de cette société traditionnelle, c'est Choi qui est accusé d'avoir provoqué ses soldats. Ça lui vaut une réputation de prostituée, sans compter les coups de canne que lui assène son mari. Pourtant, avez-vous dit, elle bénéficie déjà d'une certaine notoriété. C'est vrai. Mais à cette époque, c'est-à-dire pendant la guerre de Corée, la situation matérielle des comédiens est précaire. Et Choi ne mange pas toujours à sa faim. et jusqu'à sa rencontre avec Shin Sang-hok, elle connaîtra de nombreuses difficultés. Alors Shin, lui ? Lui est né la même année qu'elle à Chongqing, dans le nord de la Corée, au sein d'une famille aisée. Très jeune, il est fasciné par le cinéma. C'est une vocation précoce. Oui, hein. Il la doit à ces projectionnistes ambulants qui projettent des films en noir et blanc sous des chapiteaux, assistés d'un comédien qui commente l'action et traduit les éventuels dialogues en coréen. En tout cas, ses parents, conscients de ses dispositions artistiques, l'envoient étudier la peinture à Tokyo en 1943. C'est alors la période où la Corée est occupée par le Japon. Et Shin Sang-hok ne reviendra dans sa patrie qu'à la fin de cette occupation. Il a alors 19 ans, peint des affiches pour les forces d'occupation américaines et entre comme grouillot dans une société de production cinématographique. Alors, ça y est, il a le pied à l'étrier, là. Et malgré son jeune âge et son inexpérience, il brûle d'envie de réaliser un film. Ce qu'il va réussir à faire ? Oui, au tout début de la guerre de Corée, c'est-à-dire en 1950. Il parvient à se procurer du matériel américain, emprunte de l'argent à son entourage et tourne son premier film, La Nuit Diabolique. Quel titre, hein ? Quel en est le thème ? Ça décrit l'existence de ces nombreuses prostituées qui rôdent autour des bases américaines. Ouais. Et quel accueil alors reçoit cette première œuvre ? Eh bien, contre toute attente, ce film artisanal bénéficie de bonnes critiques. Mais ça ne se traduit pas par un succès en salle. Toutefois, il en faut plus pour décourager Shin. Et dès 1953, alors que la guerre de Corée se termine, il a déjà écrit un nouveau scénario, intitulé tout simplement « Corée ». Et commence son casting. Ah, j'imagine qu'il cherche une belle et talentueuse actrice pour le rôle principal. Et il a ainsi rencontré Choi. Ouais, vous avez tout compris. Et tenez-vous bien, la scène relève du mélodrame. On est donc à l'automne 1953. Choi est à l'affiche dans un théâtre de Séoul. Shin, qui a naturellement entendu parler d'elle, vient la voir pour juger par lui-même de ses qualités d'actrice. Et justement, ce soir-là, elle fait un malaise au cours de la représentation. Lui se précipite aussitôt sur la scène. Il la secourt, la ranime. Shin est subjugué. Choi, encore pantelante, ne l'est pas moins. Et quand il lui demande si elle veut bien tourner pour lui, la réponse est déjà acquise. Ouais, ce sont les débuts d'un couple quasi mythique. Hein. Et d'une liaison passionnée. Ouais, mais l'actrice est mariée. Un homme de surcroît peu commode et même brutal, oui. En outre, cette liaison, dès qu'elle est connue, fait scandale. La presse critique violemment le couple. Elle, pour avoir trompé et délaissé un mari invalide, et lui, pour avoir volé l'épouse d'un homme plus âgé. Néanmoins, Choi finit par obtenir le divorce, et l'actrice et le metteur en scène se marient au printemps 1954. Alors, professionnellement ? Leur union est particulièrement fructueuse. En 3 ans, Choi et Shin tournent 4 films, dont l'un, La confession d'une collégienne, obtient un succès retentissant. Shin est lancé et tourne film sur film, au moins 5 par an. Tandis que Choi devient incontestablement la plus grande vedette sud-coréenne. Et ça s'explique très bien. Récoltant de nombreuses distinctions internationales, l'actrice est maintenant le symbole du relèvement de la Corée. Elle a donc fait oublier ses mésaventures passées. Et sa mauvaise réputation, oui. Au contraire, elle donne l'image d'une bonne épouse qui travaille assidûment aux côtés de son mari. Elle fonde par ailleurs une école d'art dramatique. Ben c'est la gloire. Et la richesse. Car Shin, réalisateur compulsif, devient aussi producteur. Associé à son épouse, il produit des dizaines de films et emploie jusqu'à 300 personnes. Mais l'obsession cinématographique de Shin là, ne nuit-elle pas à la qualité de son cinéma ? Je n'ai pas vu ses œuvres, mais il est sûr que certains de ses films produits hâtivement ne doivent pas voler très haut, à la différence de ceux que Shin Sang-hok réalise lui-même et qui reçoivent toujours l'assentiment du public. Pourtant, malgré cet indéniable succès, les nuages s'accumulent au-dessus de ce couple glamour. Illustration du formidable succès du cinéaste Shin Sang-hok, Ces quelques lignes extraites du livre de Paul Fischer, une superproduction de King Kong Hill. Quelques années après avoir créé sa société, Shin s'était imposé comme figure de premier plan du cinéma coréen. Plus grand producteur, réalisateur du pays, il gérait Shin Film comme un studio hollywoodien. Il s'était constitué une solide écurie de cinéastes et de scénaristes maison, disposait dans ses locaux de plusieurs plateaux de tournage et de décors extérieurs, distribuait lui-même ses films et travaillait avec une constellation de stars dont Choi Eun-hee était l'étoile la plus brillante. Infatigable pionnier, après avoir inauguré l'alliance du Technicolor et du Cinémascope, il innova encore en présentant un film accompagné d'une bande sonore entièrement synchronisée. Ses productions atteignaient des budgets records pour l'époque et il fit de Choi l'actrice la mieux payée de l'histoire du cinéma national. France Inter, Patrick Pénaud, a rendez-vous avec X. Vous avez annoncé des nuages. Oui, j'y viens tout de suite. Auparavant, mais je pense que vous l'avez compris, il faut reconnaître que dans la décennie 1960, Shin Sang-ok règne sans partage sur le cinéma sud-coréen. Il atteint la consécration au début 1961 avec La Légende de Chung-yang, une adaptation d'un conte coréen qui va être vu par des centaines de milliers de spectateurs. Mais comment expliquer la faveur exceptionnelle dont jouit le cinéma en Corée du Sud ? Le pays est encore peu développé et les pénuries sont fréquentes. Le cinéma est alors incontestablement le divertissement de masse plébiscité par la population. D'abord parce que le prix des places est très modeste. Et ensuite parce que les salles sont chauffées en hiver et rafraîchies en été. Ah oui. Il existe donc, en tout cas en Corée du Sud, une véritable soif de cinéma. Et l'infatigable Shin ne cesse de lui donner satisfaction. Il tourne pêle-mêle des westerns, des comédies, des thrillers, des séries Z. Mais au milieu, il y a des pépites. Enfin, je vais vite. Ça ne me ressemble guère. Je ne relève pas. En 1971, alors que Choi Eun-hee a dépassé la quarantaine, le couple adopte un garçon et une fille. Mais le couple va bientôt traverser une grave crise. L'actrice découvre dans la presse que son époux a entamé une liaison avec une starlette. Mmh. Conséquence ? C'est la séparation. Et pour Shin, c'est le commencement de la fin. Oui, parce que Choi est son associé aussi. Oui, et il est certain que la débandade du couple n'arrange rien, même si les deux époux restent en affaire. Non, ce qui précipite la chute de Shin, c'est le durcissement de la dictature exercée par le chef de l'État, le général Park Chung-hee. Shin est un opposant ? Pas du tout. Mais au début des années 70, le régime multiplie les restrictions économiques. Et ça a des conséquences préoccupantes sur la production cinématographique. Pour continuer à réaliser et produire, Shin doit contourner la plupart des lois et les quotas d'import-export de l'époque. Pour éviter la banqueroute, il scinde sa société en 4 structures, car le gouvernement impose un quota maximal. Pas plus de 5 productions par an. En même temps, pour garder la tête hors de l'eau, Shin se livre à des opérations peu reluisantes. Ah, mais c'est-à-dire ? Ben, il dégote des films chinois inconnus et maquille les génériques afin de faire croire qu'il s'agit de quelques-unes de ses productions. En tout cas, pour lui, ça va de mal en pis. Malgré ses relations politiques, c'est maintenant avec la censure qu'il doit jongler. Résultat, il finit par perdre sa licence de producteur en 1975, car dans un film, il s'est refusé à couper une scène de baiser. C'est peu après qu'il va apprendre que Choi Eun-hee a disparu. Alors, dans quelles circonstances ? Un peu de patience. Vous voulez d'abord savoir qu'au cours des années 60-70, les relations intercoréennes, qui n'ont jamais été apaisées, connaissent un regain de tension. Au sud, Park Chung-hee étouffe toute contestation et punit sévèrement tout individu qui pourrait manifester un soupçon de sympathie pour le Nord. Oui, on observe aussi de nombreux incidents. Et certains d'entre eux sont très graves, effectivement. En 1968, un commando nord-coréen prend d'assaut le palais présidentiel de Séoul et provoque des dizaines de morts. Puis, le général Park est visé par un attentat à la bombe en 1970 et par un tireur d'élite en 1974 qu'il rate, mais tue son épouse. C'est dans ce climat de violence extrême que Park Chung-hee, qui s'est proclamé président à vie, met en place une sévère censure du cinéma. Alors Choi, maintenant. En janvier 1978, Choi est approché par un homme qui se prétend producteur de Hong Kong. Qui se prétend, donc c'est un faux producteur. Bah, oui, mais Choi ne peut pas le savoir. Ce personnage lui propose de réaliser un film. L'actrice se rend dans la colonie britannique. Son hôte lui fait visiter la ville, puis la conduit sur une plage de Repulse Bay, en bordure de la ville. Mais aussitôt, des hommes s'emparent d'elle, la droguent, et l'embarquent sur un bateau. Et ce sont forcément des agents nord-coréens. Oui, mais Choi est tombée dans un piège. Elle va donc être conduite en Corée du Nord. Et là, que lui arrive-t-il ? Elle est d'abord détenue 9 mois dans une villa confortable, mais coupée du monde, que les autochtones appellent la résidence numéro 1. Est-elle bien traitée ? Ah, tout à fait. Kim Jong-il, le fils du dictateur Kim Il-sung. Et son futur successeur. Hein. Oui, Kim Junior, donc, qui est déjà un personnage puissant en charge des services secrets, la couvre de cadeaux et la convie de temps en temps à dîner chez lui. Le cher dirigeant, comme on commence à l'appeler, en fait l'invité d'honneur des somptueuses réceptions qu'il donne où il réunit les principaux cadres du pays. Choi est alors admise à rencontrer le gratin de la Corée du Nord. Elle observe qu'au cours de ces soirées, on festoie et on boit beaucoup. Elle prend même connaissance de l'existence d'une brigade de la joie, constituée de très jeunes et jolies filles qui n'ont rien à refuser aux chers dirigeants. Ouais. Enfin, peu à peu, Choi est admise à participer à des excursions au cours desquelles elle découvre la Corée du Nord. Oui, mais qu'attend-on d'elle ? Il est évident que c'est sa qualité d'artiste, et même de grande artiste, qui lui vaut cette attention de Kim Jong-il. Et s'il l'a fait enlever, c'est qu'il veut qu'elle mette son talent à son service. Et pourquoi il a des ambitions de cinéaste hein ? Exactement. C'est un domaine qu'il passionne. Et pas seulement lui. Dès l'époque de la libération et donc de la fin de l'occupation japonaise, les communistes coréens ont compris l'importance du cinéma comme moyen de propagande. Et il faut noter que dès lors, les productions nord-coréennes sont particulièrement soignées, car elles bénéficient de moyens supérieurs à ceux dont peuvent disposer leurs homologues sudistes. Donc alors, Kim lui-même... Oui, jeune homme dissipé et même débauché, il est beaucoup plus intéressé par le cinéma que par la politique. Il donne comme mission aux agents secrets dans les ambassades nord-coréennes de copier et faire doubler tous les films étrangers possibles. Il s'est donc constitué une importante collection personnelle avant de s'essayer lui-même à la réalisation. Autre conséquence, sous sa férule, les cinéastes nord-coréens sont matériellement des privilégiés, qui sont les seuls autorisés à visionner des films étrangers. Mais pour autant, est-ce que ça permet la création d'un cinéma de qualité ? Non. Parce que les talents authentiques de cette poignée de cinéastes sont mis exclusivement au service du culte de la personnalité de Kim Il-sung. Oui, c'est-à-dire le père de Kim Jong-il. Hein. Qui est déjà considéré à l'égal d'un dieu, oui. Donc, les Nord-Coréens doivent assister obligatoirement à ces séances à la gloire du dictateur. En même temps, assez habilement, le metteur en scène Kim Jong-il se débrouille pour jouer le turiféraire en chef de son père. Ce qui lui permet d'écarter progressivement tous ses parents qui pourraient lui faire de l'ombre dans l'ordre de la succession, à commencer par l'un de ses oncles paternels. C'est d'autant plus malin que la divinisation de son père rejaillit forcément sur lui. Ah oui, fils de Dieu, il ne peut être que Dieu lui-même. Hein. C'est évident. Au reste, la passion de Kim Jong-il pour le cinéma et le spectacle rejaillit sur sa vie privée. Il s'éprend de l'actrice Song Hee-rim. Déjà mariée et mère, mais leur liaison restera secrète. Et quand l'actrice donnera naissance à un fils, Kim ne reconnaîtra que très tardivement son existence. Et un peu plus tard, il épousera officiellement la fille d'un général qu'il délaissera rapidement, pour son grand amour, la danseuse Ko Young-hee, mère de l'actuel numéro 1, Kim Jong-un. Alors, retrouvons Choi Hoon-hee. Et que devient-elle alors ? Choyée par Kim, elle finit par devenir l'une de ses conseillères culturelles. Ça signifie qu'elle s'est donc résignée à accepter son statut de prisonnière privilégiée. Il semble bien, oui. Et Shin Song-ok ? Il est en fâcheuse position. En disgrâce à Séoul, il passe son temps à essayer de trouver des financements étrangers ou même de tenter d'émigrer. Est-il préoccupé par la disparition de Choi ? Certainement, il n'a pas pu l'oublier. Autant qu'en Corée du Sud, certains le soupçonnent d'avoir une part de responsabilité dans cette disparition. Il finit donc par partir lui-même pour Hong Kong. Ouais, pourquoi alors ? Pour essayer de retrouver la piste de son ex-épouse ? C'est effectivement son objectif. Toutefois, plusieurs mois se sont écoulés. Il y a donc longtemps que la piste est froide. Certes, mais il essaie quand même, et lui aussi va finir par tomber dans un piège tendu par les Nord-Coréens. France Inter, rendez-vous avec X et avec Patrick Pénaud. Coup de projecteur sur le cinéma de Pyongyang à la sauce Kim Jong-il par un spécialiste, Antoine Coppola, qui a écrit ceci en 2007 dans les cahiers d'histoire. Le cinéma nord-coréen, l'un des plus méconnus au monde, existe vraiment. Comme le montre le nombre de films produits jusqu'à nos jours, le niveau de fréquentation des salles et la participation du chef de l'État lui-même qui scénarise et conseille la réalisation des films depuis des dizaines d'années. L'attitude du grand guide est exemplaire lorsqu'il assiste à des tournages ou à des séances de post-synchronisation de films. Attentif aux moindres détails, il aide les acteurs à répéter, conseille les cadreurs, suggère des sujets de scénario. Surtout, il est l'auteur d'une somme théorique sur le cinéma de l'art cinématographique. Ce traité à la fois pratique et théorique sur la perception et la création de films a été rédigé au début des années 70 en pleine gloire du cinéma nord-coréen. Quel genre de piège lui a-t-il été tendu ? Il a vraisemblablement été trahi par l'un des collaborateurs de sa société de production qui lui a fait miroiter la possibilité d'obtenir un passeport qui lui permettrait de gagner l'étranger où il pourrait à nouveau tourner les films. Il avait donc apparemment renoncé à retrouver Choi. Oui, parce qu'il avait compris qu'elle avait été enlevée et conduite en Corée du Nord, d'où, bien sûr, elle ne pourrait jamais repartir. Et cette histoire de passeport-là ne lui a pas paru bizarre ? Il ne s'est pas méfié ? Non. Il est donc allé à ce rendez-vous qu'on lui proposait. Et là, il est tombé dans un guet-apens. Peu de temps après, drogué et ficelé, il voguait en mer de Chine vers la Corée du Nord. Le rapt avait donc été minutieusement préparé. C'est certain. Et l'objectif, alors, était-il de reconstituer ce couple de légendes qui avait fait les beaux jours du cinéma sud-coréen ? Bon, on peut l'imaginer. Comment s'est passée son arrivée en Corée du Nord ? Lui aussi, au moins, dans un premier temps, a été bien traité, accueilli comme un invité avec lequel on était désireux de collaborer. Et pour le mettre dans l'ambiance, on l'a installé dans une résidence confortable, équipée d'une salle de projection. Et on a commencé par lui faire visionner à la chaîne des films nord-coréens. Sacré purge, ça, hein ? C'est aussitôt ce qu'a pensé Shin, car la qualité artistique de ses œuvres lui a paru épouvantable. A-t-il, comme Choi, été reçu par Kim Jong-il ? Non, il n'a pas eu cette chance, si j'ose dire. Et a-t-il essayé de savoir où se trouvait Choi ? Évidemment. Mais s'est vite rendu compte que ses geôliers n'appréciaient guère cette curiosité. Dès lors, il n'a plus qu'une idée en tête, s'évader le plus vite possible. Mais était-ce réaliste ? Le réalisateur avait un atout. Il était né en Corée du Nord et connaissait le pays même, s'il avait beaucoup changé au cours des précédentes décennies. Et il va effectivement tenter à deux reprises de fausser compagnie à ses gardiens. Mais à chaque fois, il a été rattrapé. Conséquence ? Il a été sévèrement puni. Il n'était plus question de le traiter en invité de prestige. Shin a été conduit dans un camp de détention où, à l'instar des autres prisonniers, il a été affamé, battu et parfois torturé. Et combien de temps a-t-il dû supporter cette situation ? 3 longues années. Mais en même temps, en le traitant ainsi, les Nord-Coréens s'interdisaient de pouvoir un jour compter sur sa collaboration. Pas du tout. Dans leur esprit, il fallait le briser, au moins moralement. Et quand il serait devenu docile, il accepterait enfin de mettre son talent de cinéaste au service du cher dirigeant. Oh ben c'est une sorte de lavage de cerveau. Oui, il a quand même essayé encore une fois de manifester son esprit de rébellion en commençant une grève de la faim. Mais il a abandonné lorsqu'il a compris que cette tentative serait vaine, car on le laisserait mourir de faim. Alors au bout de ces 3 années de détention, il s'est résolu à rendre les armes. Et pour prouver sa bonne foi, il a demandé à pouvoir écrire son autocritique. Ben ça, c'est un classique des systèmes coercitifs en usage dans les pays communistes. Ainsi qu'il a fini par attirer l'attention de Kim Jong-il, qui, dans sa grande mansuétude, a décidé de sa libération en février 1983. Et Shin n'a pas tardé à être récompensé. Il lui a été permis de voir enfin Choi. Des retrouvailles émouvantes, mise en scène par Kim Jong-il lui-même. Et dans la foulée, le cher dirigeant les a même invités à se remarier. Se remarier, ce qu'ils n'ont pas pu refuser, j'imagine. Même s'ils n'avaient pas d'autre choix. Mais leur détresse était telle qu'après cette longue séparation, qu'ils ont l'un et l'autre accepté, avec une véritable émotion, de reconstituer leur couple. Ah, bravo. Et la suite? Ils sont devenus illico, les conseillers spéciaux de Kim, à charge pour eux de relancer un cinéma nord-coréen qui était dans un état affligeant. Kim en est-il conscient? Absolument. On en a la preuve, car Choi a pu enregistrer à l'insu de Kim un enregistrement dans lequel le dirigeant nord-coréen admettait la médiocrité du cinéma national. Car si Kim Jong-il était humainement un personnage détestable, il avait au moins une qualité. Il avait une connaissance précise des techniques cinématographiques et il savait reconnaître les talents. Et ceux de Choi et Shin en particulier. Et avec ce couple qu'il avait fait enlever, cet homme capricieux, irascible et ennuyeux, s'est montré étonnamment courtois et respectueux. Après ce qu'il avait fait subir à Shin, c'était bien le moins. Et concrètement alors, qu'est-ce que ça a donné? Shin a été autorisé à remonter Shin Film, la société de production qu'il avait créée en Corée du Sud. Il lui a été alloué une enveloppe annuelle de 2 millions de dollars. Et on lui a donné carte blanche pour mobiliser tous les moyens techniques dont il pourrait avoir besoin. D'accord, mais pour tourner quel genre de film? Ça, c'est autre chose, car les scénarios devaient forcément être approuvés par Kim en personne. Ouais, pas beaucoup de liberté de création, par conséquent. En Corée du Nord, le contraire était étonnant. Autre constat négatif. Shin se rend vite compte que le personnel nord-coréen est très peu formé et ne brille guère par son efficacité. Enfin, il y a le poids d'une bureaucratie omniprésente et tatillonne. Toute commande doit passer par plusieurs intermédiaires. L'un enregistre la demande, un autre estime les besoins, un troisième évalue les ressources allouables, un quatrième approuve le transfert de celle-ci, et enfin, un cinquième supervise la livraison. C'est extrêmement, surtout pour un cinéaste qui a travaillé dans un pays non communiste. Mais malgré tout, le couple va-t-il pouvoir réaliser un film ? Shin et Choi, sous bonne garde, sont autorisés à partir en repérage en Europe de l'Est pour un film, Mission sans retour, qui doit être tourné à Prague. Au cours de ce voyage, Shin parvient à prendre contact avec une connaissance et lui remet l'enregistrement clandestin de Kim Jong-il, effectué par Choi, et quelques photos de propagande. Si le couple ne donne pas signe de vie pendant 6 mois, ces documents doivent être divulgués. C'est une sorte d'assurance sur la vie. Oui, ou sur la liberté, ce qui montre bien, en tout cas, que les deux artistes ne sont pas encore soumis. Quand ils sont de retour à Pyongyang, petite éclaircie, le pouvoir les autorise à donner des nouvelles à leur famille discrètement via un journal. Bon, mais revenons, et leur film alors ? Mission sans retour est achevée au début 1984 et ravit le cher dirigeant. Mais auparavant, le contact de Shin à Prague enfreint sa parole. Il divulgue plus tôt que prévu les documents de Shin. Avec quelles conséquences, là ? Les deux cinéastes nient, bien sûr, toute responsabilité. Mais ils sont sur la sellette et Kim Jong-il les oblige à se rendre toujours sous surveillance à Budapest, où au cours d'une conférence de presse, ils affirment être passés en Corée du Nord de leur plein gré, afin, prétendent-ils, de se mettre au service de la révolution. Ça leur vaut immédiatement d'être condamnés pour trahison en Corée du Sud. À Pyongyang, on doit être ravis alors. Obligatoirement. Et il est vrai que leur situation évolue plutôt favorablement, car leur film, Mission sans retour, obtient un immense succès. Il est même primé au festival de Karlovy Vary. Oui, ça, c'est en Tchécoslovaquie. Hein. Oui, le résultat, il leur est permis de voyager en Europe occidentale afin d'aller présenter leur film d'abord à Londres, puis à Vienne. Mais évidemment, des agents nord-coréens les surveillent en permanence. Kim Jong-il ne leur fait donc pas une entière confiance. Il est quand même loin d'être idiot, même s'il doit reconnaître que Shin et Choi ont rendu un immense service au cinéma de son pays. Au total, entre 1984 et 1986, ils auront réalisé 7 longs métrages et produit plusieurs dizaines d'autres films. Grâce à eux, le cinéma nord-coréen a enfin acquis une réelle dimension artistique et a relativement échappé à sa mission première, la propagande obligatoire. Shin a même osé briser quelques tabous en introduisant des scènes sexuelles dans ses réalisations. Et a-t-il pourtant réalisé des chefs-d'œuvre ? Non. La plupart, comme ce remake de Godzilla, sont plutôt arrangés dans la catégorie des nanars. Mais ce qui est important, c'est que la faveur dont Shin et Choi jouissent auprès de Kim Jong-il leur assure une liberté croissante. C'est même si vrai que Chine parvient à convaincre le cher dirigeant que l'ouverture d'une succursale de sa société en Europe serait une magnifique vitrine pour Pyongyang. Une vitrine pour l'Europe de l'Est ? Non, à l'Ouest, et plus précisément à Vienne. En réalité, vous l'avez deviné, le couple prépare prudemment mais intelligemment sa défection. En 1986, donc, en compagnie de Choi, Chin part pour l'Autriche. En principe, il doit y chercher des financements pour son prochain film nord-coréen, un biopic sur Genghis Khan. Ouais. Et comment vont-ils procéder À Vienne, ils descendent à l'hôtel intercontinental, réputé pour être un nid d'espions et de transfuges. Un rendez-vous a été organisé avec un journaliste japonais indépendant. Celui-ci doit arriver en taxi, mais à peine est-il descendu de la voiture que Shin et Choi s'engouffrent dans le véhicule. Leurs gardes nord-coréens n'ont pas pu intervenir. Et le couple file en taxi à l'ambassade américaine. Ah, ils sont enfin libres. Et ils sont longuement débriefés par des agents de la CIA avant de pouvoir regagner leur pays. Et là-bas, alors, en Corée du Sud, comment sont-ils reçus ? Ah, ils ne sont pas forcément les bienvenus, car on les soupçonne d'avoir sciemment déserté la Corée du Sud. Lui surtout, pour assainir sa situation financière. Malgré tout, Shin réussit à reprendre son travail. Mais il ne produira plus que des navets insipides et datés, car il n'a pas suivi l'évolution artistique du cinéma contemporain. Et désabusé et physiquement diminué, il s'éteint en 2006. N'y a-t-il tout de même pas là une possibilité que Shin Sang-ok ait menti ? Après tout, persécuté par la dictature du général Park Chung-hee, il aurait pu de lui-même avoir voulu se réfugier en Corée du Nord. Dans cette prison à ciel ouvert ? Non, ça ne me paraît pas vraisemblable. Shin a été une victime, comme des centaines d'autres. Cette émission a été réalisée par Michel Biou, mise en musique par Michel Joub et supervisée par Rebecca Denante, qui a lu quoi aujourd'hui ? Alors, je n'ai pas lu, mais je voulais juste rappeler les rapports mouvementés entre la Corée du Nord et le cinéma, qui sont toujours d'actualité, avec la comédie très potache « L'interview qui tue », une superproduction hollywoodienne produite par Sony Pictures. Le pitch n'a pas du tout plu au pouvoir nord-coréen. Deux journalistes américains chargés par la CIA d'assassiner le président Kim Jong-un, ce dernier y est largement ridiculisé. Deux mois avant la sortie américaine du film, Sony a subi une attaque informatique d'envergure. On a alors soupçonné la super élite des hackers du régime nord-coréen. Résultat, Sony, dans un premier temps, a annulé la sortie du film, puis décidé finalement de le distribuer en ligne. Le film est enfin sorti sur les écrans français en janvier dernier. Manifestement, vous pouvez éviter d'aller le voir. Sur franceinter.fr, vous pourrez communiquer avec nous. Et je vous rappelle, le grand livre des espions écrit par votre serviteur, coédité par France Inter et aujourd'hui en librairie. À samedi prochain et tout de suite après les infos de Nichesou.